Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Ce matin, j'aimerais que nous revenions sur le chapitre 7 du livre du prophète Daniel que nous avons abordé hier soir. Et j'aimerais en particulier que nous arrêtions ce matin sur la vision du Fils de l'homme que nous trouvons à partir du verset 13. Je reprends un petit peu le thème général de ce que nous avons dit hier soir. Nous avons vu la succession de ces quatre empires sous la forme de quatre animaux féroces et le pire d'entre eux était ce quatrième animal représentant ce quatrième empire que nous avons assimilé avec l'Empire romain, qui sous diverses formes doit subsister jusqu'à la fin, et lequel empire met le comble au péché, conduit l'humanité dans une apostasie, c'est-à-dire dans une révolte contre Dieu, qui rend inévitable le jugement de Dieu. Ce jugement, le prophète le voit manifesté dans le ciel, dans le temple céleste, qui est alors transformé en tribunal suprême, et où une sentence de mort est prononcée contre cette bête qui est allée trop loin, qui a lassé la patience de Dieu, et qui fait que Dieu se voit dans l'obligation d'intervenir. Et alors que cette sentence de mort est prononcé sur la bête, Daniel voit venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence, nous est-il dit, du Fils de l'homme ou d'un Fils de l'homme, comme on voudra. Nous allons relire ces quelques versets. On peut reprendre déjà à partir du verset 11. Des livres furent, les juges s'assirent, des livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son royaume ne sera jamais détruit. Le Fils de l'homme. C'est une expression que nous trouvons ici pour la première fois dans le livre du prophète Daniel. Et cette expression va être reprise dans les évangiles par Jésus lui-même. Jésus parle d'une manière mystérieuse de sa propre identité. Et quand il évoque cette assimilation de cette identité avec celle du Fils de l'homme de Daniel, il le fait toujours à la troisième personne du singulier. Le Fils de l'homme. Tellement que certains exégètes se sont même demandé si Jésus parlait bien de lui-même ou s'il parlait d'un autre personnage qui devait venir après lui. Cette question n'est pas véritable, n'est pas appropriée, n'est pas juste, parce que il est évident que Jésus se considérait lui-même comme étant ce Fils de l'homme. Il y a plusieurs raisons pour cela, je l'évoquerai tout à l'heure. Maintenant, cette expression « Fils de l'homme », Paul ne l'emploie jamais dans les Épîtres. C'est-à-dire, il ne l'emploie jamais pour les non-juifs. Parce que pour les non-juifs, cette expression est difficilement compréhensible. C'est une des raisons pour laquelle les pères de l'Église, n'ont pas véritablement compris le sens de cette expression « fils de l'homme ». Dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu une controverse très longue, très aiguë, très vive, sur la nature de Jésus. Qui est Jésus? Et après de grandes discussions, on est arrivé à ce que l'on appelle le dogme de Nicée, le dogme de la Trinité. Ça veut dire Jésus est composé de deux natures, une nature divine et une nature humaine. Et pour exprimer ces deux natures, la nature humaine et la nature divine de Jésus, les pères de l'Église ont employé deux expressions. Ils ont dit « Jésus est fils de Dieu », alors ça implique sa nature divine, et il est fils de l'homme, et là, pour eux, cela représentait sa nature humaine. Alors, je voudrais ici tout de suite dire d'une manière absolument claire que je suis résolument, et je dirais à 300% nicéen. Ça veut dire je crois d'une manière très forte à la Trinité. Et je crois véritablement que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, ce que je vais dire ne remet pas du tout en cause cette affirmation-là. Et je tiens à insister d'autant plus sur ce point qu'aujourd'hui, dans certains milieux messianiques, en Israël et en dehors d'Israël, l'idée que Jésus est fils de Dieu est remise en question. Et aujourd'hui, parmi un certain nombre de soi-disant messianiques qui pour moi ne le sont plus, il y a cette idée que Jésus n'est rien d'autre qu'un être humain, avec des nuances. Par conséquent, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Ça, c'est une chose qui n'est pas négociable. C'est l'affirmation même de l'Évangile, et notamment de l'Évangile de Jean. Mais exprimer la nature humaine de Jésus au travers de l'expression « fils de l'homme » est particulièrement malheureux. Quand Jésus employait cette expression « fils de l'homme », il n'indiquait absolument pas sa nature humaine, il ne faisait pas allusion à cette nature humaine, il faisait allusion à autre chose. Et pour pouvoir comprendre ce que Jésus voulait dire quand il parlait de lui-même en tant que fils de l'homme, il nous faut retourner vers les sources juives. Et les sources juives qui commentent ce texte de Daniel, elles nous ramènent au commencement, c'est-à-dire au livre de la Genèse. Alors quand je parle ici de sources juives, je voudrais faire une autre nuance. Il s'agit de sources juives qui datent d'avant la destruction du Temple, c'est-à-dire d'avant l'année 70 de notre ère. Aujourd'hui, tout ce que je vais dire est quelque chose que le judaïsme orthodoxe actuel a rejeté par réaction antichrétienne. Et c'est la raison pour laquelle je mets toujours en garde aussi nos frères. Il faut faire une différence entre le judaïsme actuel, le judaïsme orthodoxe, le judaïsme rabbinique et le judaïsme que Jésus a connu. Même s'il y a des points communs entre les deux, il y a aussi de grandes différences. Et il faut savoir que le judaïsme que Jésus a connu, qu'il a professé, que Paul aussi a connu, était un judaïsme sensiblement différent de celui qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme orthodoxe. Bon, ça je ferme la parenthèse, mais c'est très important de le souligner. Donc le judaïsme de l'époque de Jésus, le judaïsme d'avant la destruction du Temple, nous renvoie pour comprendre cette expression « fils de l'homme » au commencement, c'est-à-dire au livre de la Genèse. Et déjà, le premier mot de la Genèse pose problème. « Bereshit », au commencement. Et dans ce mot « Bereshit », vous trouvez le mot « roche ». Roche, ça veut dire une tête. Non seulement un commencement, mais surtout une tête. Et on peut traduire cette expression, au commencement, bien sûr, c'est tout à fait juste, c'est légitime, mais c'est justement la richesse de l'hébreu, c'est que le même mot, vous pouvez le comprendre d'une manière différente, de différentes manières qui ne s'excluent pas, mais qui se complètent. Donc, au commencement, c'est très clair, mais aussi par une tête, par un chef, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la question des rabbins est celle-ci, qui est ce chef, qui est cette tête par laquelle Dieu a créé le monde au commencement? Maintenant, cette réponse, elle se trouve dans le récit de la création lui-même. Il y avait de la lumière, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel reposait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Nous avons déjà vu, les jours passés, qu'il y a un problème là aussi sur cette origine de la lumière. Car les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, ne sont créées que le quatrième jour de la création. Et les rabbins ont demandé, mais d'où vient cette lumière qui était au commencement puisqu'il n'y avait pas de lumière? La réponse, elle se trouve aussi dans le premier mot de la Genèse. Nous avons une petite lettre, la plus peut-être petite lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Yud, celle dont Jésus parlait quand il disait « Il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre ». Cette lettre, elle correspond à la lettre iota de l'alphabet grec. Et cette lettre, c'est la lettre du Messie. Et cette lettre, on peut aussi la prendre comme la première lettre d'un mot, le mot « Yahir », il est clair. Donc, d'où vient la lumière qui était au commencement? De cette tête, de ce chef, qui était la lumière du monde, parce qu'il est clair. Et la réponse des rabbins est celle-ci, c'est par le Messie, la tête, le chef, celui qui est clair, c'est-à-dire la lumière du monde, que Dieu a créé le monde au commencement. C'est ce qu'on appelle un midrash. Ce midrash, vous le retrouvez chez Paul dans l'Épître aux Colossiens, j'en ai parlé aussi, où Paul nous dit ceci dans le chapitre 3. C'est en lui, Jésus, par lui et pour lui, que toutes choses ont été créées. Par conséquent, Jésus est la raison même de la création du monde. Et cette lumière, maintenant, nous revenons ici à notre chapitre 8, 7 du livre du prophète Daniel. Cette lumière, qui est le Messie, qui est la lumière du Messie, la tête, le chef. D'ailleurs, Paul dit ça aussi en Épître aux Colossiens. Il est la tête, et il reprend justement ce midrash qu'il connaissait en tant que rabbin. Et il nous dit ceci. La lumière, c'est Jean qui reprend ça aussi, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et alors, notre commentaire revient sur ce premier verset du livre de la Genèse. La terre était tohu vavohu, tohu bohu. On traduit en général de la manière suivante, la terre était informe et vide. C'est le sens de ces mots, ces deux mots, tohu vavohu, qui en français ont donné tohu bohu, voyez-vous. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous parlons hébreu en français sans le savoir. Et quand nous disons tohu bohu, nous parlons hébreu. La terre était informe et vide, tohu vavohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel voletait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Et là, il y a quatre mots qui sont absolument négatifs, qui expriment une situation du monde dans un état justement de chaos. Tohu, vohu, rocher, tehom. On va expliquer ces quatre mots. Et après ce chaos exprimé par ces quatre mots, notez déjà le nombre 4, le chiffre 4, et ça vous amène déjà à penser à quoi ? Quatre empires, les quatre empires de Daniel. Et les sages ont dit, déjà l'existence des quatre empires de Daniel était prophétisée dans les premiers versets du livre de la Genèse. Et ces quatre mots, Tohu, Vohu, Rocher ou Tehom, expriment les quatre empires. Premier de ces mots, Tohu. Tohu, ça veut dire quelque chose qui n'a ni queue ni tête, ni sens. Quelque chose qui n'a pas de forme. C'est pourquoi on traduit « la terre était informe ». Et cette idée d'une réalité qui est sans forme, elle exprime le premier des quatre empires, Babel, Babylone. En effet, Babel en hébreu signifie « confusion, bouleversement, quelque chose qui n'a ni queue ni tête ». Et ce qui se passe, c'est que cet empire qui veut justement donner son sens au monde aboutit à un échec. Donc ici nous avons la révélation du premier empire. Deuxième empire, Vohu. Vohu, ça veut dire quelque chose qui est vide, quelque chose qui est creux, quelque chose qui est artificiel et qui n'a rien d'autre qu'une apparence. Et les sages ont dit, ça, c'est la caractéristique du deuxième empire, l'empire perse, tel qu'il est notamment décrit dans le livre d'Esther, où nous voyons un empire qui semble un empire immense, puissant. Et le roi Assuérus, qui est le roi de cet empire, va faire une fête interminable qui va durer un peu plus d'une demi-année, où il va faire étalage de sa puissance, de son luxe, de sa richesse. Et on a l'impression d'un empire qui est une puissance éblouissante. En fait, et c'est tout le message du livre d'Esther, cet empire, il est totalement vide. Il n'est que dans l'apparence, il n'est que dans l'extérieur. Mais la réalité, c'est quelque chose qui est totalement vain, totalement dépourvu d'une réalité profonde. Et c'est tellement vrai que lorsque cet empire est attaqué par Alexandre le Grand, on en a un petit peu parlé hier, il s'effondre comme un château de cartes. En 332, à la bataille d'Ipsos, il suffit d'une seule bataille au cours de laquelle l'armée perse est vaincue et tout cet immense empire s'effondre comme un château de cartes. Le livre d'Esther nous montre aussi qu'au travers de cette apparence, il n'y avait aucune réalité, aucune substance, aucune consistance spirituelle ou même humaine. Par conséquent, le mot « Vohu » qui est au commencement rend compte admirablement de ce qu'était la nature même de ce deuxième empire. Troisième empire, troisième mot, « Rocher », les ténèbres. Il y avait des ténèbres. Et ces ténèbres, elles représentent le troisième empire, c'est-à-dire l'empire grec. Alors c'est très surprenant parce que l'empire grec, la civilisation hellénistique dont nous sommes héritiers, est au contraire une civilisation brillante. L'essentiel de l'apport des Grecs à la civilisation humaine, la civilisation occidentale en particulier, c'est justement la culture, l'art, les sciences, la philosophie, et par conséquent, ce que l'on pourrait considérer, ce qu'on considère comme les lumières de notre civilisation. À la fin du Moyen-Âge, plutôt après la Renaissance, lorsque on a voulu tourner le dos au passé, un certain nombre de philosophes ont voulu revenir avec les sources de la civilisation grecque. Et ils ont appelé cela le temps des Lumières, l'ère des Lumières. Et les sages d'Israël ont dit, en fait, la Grèce est appelée Rocher, ténèbres, parce que dans les temps de la fin, elle répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. Ça veut dire que c'est les lumières de l'hellénisme et les lumières qui sont apparues à partir du XVIIIe siècle en Europe en particulier, sur lesquelles est bâtie notre civilisation. Et vous savez par exemple que la Constitution européenne, dans son préambule, prévoyait que cette Europe nouvelle qui allait surgir maintenant serait basée sur la philosophie des Lumières. Or, la Bible nous dit, les sages nous disent, ces Lumières-là, en réalité, ce sont des ténèbres. Elles conduisent à l'égarement. Et enfin, le quatrième mot, théom. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et les sages nous disent, les ténèbres des soi-disant lumières grecques conduisent droit à l'abîme, à l'enfer. Et théom, l'abîme, représente le quatrième royaume, le quatrième empire, l'abîme. Ce quatrième empire, qui représente l'empire romain, comme nous l'avons vu, et qui est un empire nihiliste, qui n'a aucune finalité, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va, qui n'a d'autre raison d'être que lui-même, que sa propre force, que sa propre gloire. Et cela, ça caractérise l'Empire romain et ça caractérise en particulier notre civilisation décadente du XXe et du XXIe siècle. Le siècle de l'absurde, comme le disait Jean-Paul Sartre. C'est aussi le slogan des jeunes, « No future », pas d'avenir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tout est dans l'instant présent. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'espérance, il y a tout simplement une soif de jouissance, une soif de puissance, une soif de satisfaire ses moindres caprices. C'est la seule raison d'être, la seule raison de vivre des hommes et des femmes de ce temps, et cela conduit directement à l'abîme. Et ces quatre constituants, ces quatre empires, constitue le chaos. Tohuvohu, Rocher ou Théom. Ce qui est vide, ce qui est sans forme, ce qui est vide, ce qui est ténèbre et ce qui est abîme. Et c'est à cause de la présence de ces quatre réalités que le monde est plongé dans les ténèbres. Le monde est plongé dans la mort. Le monde est par conséquent sous la domination du prince des ténèbres. Il y avait ces ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de l'Éternel voltait au-dessus des eaux. Merachéfet en hébreu, c'est exactement cela. Il voltait comme un oiseau. Et les sages posent la question, de quel oiseau s'agit-il? Cet oiseau, c'est la colombe. Parce que la colombe est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était au-dessus de ses eaux. Elle cherchait un endroit pour poser la plante de son pied. Et là, ça nous ramène à un autre texte biblique. Ce qui s'est produit après le déluge. Lorsque l'arche s'est échouée au sommet du mont Ararat, Noé a ouvert la fenêtre de l'arche. Il a envoyé d'abord un corbeau, et ensuite une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. Les eaux, c'était la mort, c'était le chaos. C'était le retour à cette situation où il y avait justement ces quatre réalités qui faisaient que les ténèbres, la mort et le chaos régnaient à la surface de la terre. Le déluge, c'est un retour au chaos. Et cette colombe, elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé un lieu où poser la plante de ses pieds. Noé attend 8 jours encore, et à nouveau il envoie la colombe. Et cette fois-ci, la colombe revient tenant dans son bec, vous souvenez quoi? Un rameau d'olivier. Ah, là il nous faut parler de l'olivier. Il y en a ici beaucoup, alors vous pouvez en voir, je pense, facile. L'olivier, c'est un arbre exceptionnel dans la Bible. C'est un arbre qui a une fonction unique. Les sages l'appellent l'arbre de la lumière. Pourquoi l'arbre de la lumière? Pour deux raisons. La première, parce que si vous regardez un olivier, vous allez constater que les dessus de ses feuilles sont vertes. Si vous retournez la feuille à l'envers, c'est argenté. Le dessous de la feuille est argenté. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait très chaud, notamment dans les pays méditerranéens comme Israël, l'olivier retourne à l'envers ses feuilles et il présente au soleil la partie argentée de ses feuilles pour refléter comme un miroir les rayons du soleil et ainsi se protéger de la chaleur du soleil. Et quand en Israël vous voyez de loin une palmeraie à cette époque-ci et vers midi au moment où le soleil est à son zénith, vous avez l'impression que la palmeraie est en feu, que l'arbre est une torche. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre de lumière. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on appelle l'olivier l'arbre de lumière, c'est que, à partir de l'huile de l'olive, on allumait les lampes à huile. Vous connaissez l'histoire des vierges qui avaient pris leurs lampes et qui avaient omis de prendre de l'huile. C'est pourquoi on appelle l'olivier l'arbre de la lumière. Et l'olivier, l'arbre de la lumière, est un double symbole. D'abord, c'est le symbole d'Israël. Et aujourd'hui encore, les armoiries de l'État d'Israël représentent un chandelier, celui qui est dépeint dans le chapitre 4, en particulier de la vision de Zacharie. Et de chaque côté, il y a deux oliviers. L'olivier est le symbole d'Israël. Vous retrouvez ça, bien sûr, aussi dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. On en a abondamment parlé. Paul nous rappelle que nous sommes, nous, les païens, comme les branches d'un olivier sauvage qui ont été greffées contre leur nature sur l'olivier d'Israël. Mais l'olivier, c'est aussi l'image du Messie. Parce que le Messie est la lumière du monde, on en a parlé. Et voyez-vous, cette colombe de Noé, elle ramène dans son bec un rameau d'olivier. Et les sages ont dit, la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, amène la lumière du Messie au monde. Et on fait une allusion maintenant au texte d'Ésaïe 11, où il est question du Messie. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, et une branche sortira de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il y a sept expressions de l'Esprit qui nous sont données dans ces quelques versets de Ésaïe 11. L'Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse et de force, Esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Sept expressions de l'Esprit, sept, c'est un chiffre de plénitude. Et dire qu'il y a sept esprits qui viennent sur le Messie, c'est dire que le Messie reçoit la plénitude de l'Esprit. Non seulement il Et c'est l'homme de l'Esprit par excellence, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, mais il est aussi celui qui naît du Saint-Esprit, parce que la colombe, le Saint-Esprit, l'amène au monde. Et par conséquent, ici, nous trouvons l'embryon de toute notre christologie chrétienne. Jésus né du Saint-Esprit et qui, au Jourdain, reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que justement, il est fils de l'homme. Et petit à petit, nous approchons ici de la question que nous avons posée, qu'est-ce que le fils de l'homme? Donc, la colombe, le Saint-Esprit, apporte le Messie au monde. Et non seulement elle apporte le Messie au monde, mais elle apporte aussi le règne du Messie au monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Le règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Ça, plusieurs m'ont posé la question, j'y reviendrai peut-être dans les temps qui viennent, mais très rapidement, je voudrais ici évoquer, définir ce royaume très simplement. Au travers, notamment de la prière du Notre Père, où Jésus nous enseigne à prier, on en a déjà parlé ces temps, que ton règne ou que ton royaume vienne. Et cette expression, elle se trouve dans une prière qui est un poème, une poésie typique des prières juives. Encore aujourd'hui, les prières juives dans la synagogue, ce qu'on appelle le Sidour, sont composées aussi de poésie. La poésie juive est très différente de notre poésie. Notre poésie est basée sur des vers qui ont le même nombre de syllabes, on appelle ça des pieds, qui se terminent par la même terminaison. La poésie juive n'obéit pas du tout à ce type de règle. Par contre, la poésie juive consiste à dire deux fois de la même manière la même pensée. Et c'est exactement ce que nous trouvons ici dans le Notre Père. Toutes les demandes de Notre Père vont deux par deux. Elles se complètent l'une l'autre. Vous trouvez ça souvent dans le livre des psaumes, aussi dans le livre des proverbes, et entre parenthèses, si vous ne comprenez pas le premier terme, vous lisez la deuxième hémistiche et vous comprenez la première. Alors ici, nous allons faire la même chose pour le Notre Père. Que ton royaume vienne. Et ensuite, il nous est dit, deuxième hémistiche, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la définition même du royaume de Dieu. Le ciel, c'est cet endroit où la volonté de Dieu s'accomplit absolument parfaitement. Et la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. C'est la définition qu'en donne l'apôtre Paul. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et à l'instant même, sans opposition, sans délai, il y a de la lumière. Dieu dit à un ange, fais ceci, et sans hésitation, il le fait immédiatement. Par conséquent, le ciel est un lieu d'harmonie, de paix, de bonheur parfait. Et le ciel est l'endroit où Dieu règne. Mais, Jésus nous dit dans la prière du Notre Père, si nous avons à prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, c'est-à-dire que pour l'heure, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur la terre échappe à la souveraineté de Dieu. Mais ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe dans le ciel, il y a sur la terre des oppositions à la volonté de Dieu. Et des réalités qui sont contraires à sa volonté parfaite en tout cas. Pourquoi ? Parce que nous l'avons dit ces jours, les royaumes de ce monde sont entre les mains de l'adversaire. L'adversaire, Satan, est le prince de ce monde. Et puis il y a non seulement l'opposition satanique à la volonté parfaite de Dieu, mais il y a également l'opposition des hommes qui ont pris le parti de Satan contre Dieu. Et quand nous disons, Seigneur, que ton royaume ou que ton règne vienne, nous disons qu'un jour, Seigneur, il en soit sur le ciel, sur la terre comme il en est dans le ciel. C'est-à-dire qu'un jour, ta volonté parfaite, bonne, agréable, puisse s'accomplir sur la terre de la même manière qu'elle s'accomplit dans le ciel. Lorsque cette prière sera exaucée, et elle le sera, parce que c'est la prière que Jésus nous a enseignée, nous pouvons donc être certains que cette prière va s'accomplir, va être exaucée. Quand ? Ça, c'est le mystère de Dieu, c'est autre chose. Mais un jour, cette prière sera exaucée. Et quand la volonté de Dieu s'accomplira d'une manière aussi parfaite sur la terre qu'elle s'accomplit dans le ciel, ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Mais voilà, justement, il y a des oppositions. Et les sages ont dit, aussi longtemps que règnent les empires, le royaume de Dieu ne peut pas venir sur la terre. Parce que ces empires sont entre les mains de l'adversaire, sont entre les mains de Satan. Et par conséquent, ils empêchent la manifestation de la pleine souveraineté de Dieu. Il y a dans le Midrash une petite histoire qu'il ne faut pas prendre à la lettre du tout, bien sûr. C'est une sorte de parabole. Mais, comme les paraboles, elle a aussi un enseignement. Je vous ai dit qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait donc ces ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu, dans sa prescience, a vu en un instant tout le mal qui allait s'accomplir sur la terre. Il a vu le drame de l'Éden, il a vu Caïn tuant son frère Abel, il a vu la corruption des descendants de Caïn, l'histoire des filles des hommes avec les fils de Dieu, avec les anges. Il a vu la corruption de la génération du déluge. Il a vu la révolte des gens de Babel. Bref, il a vu en un instant tout le mal qui allait s'accomplir sur la terre. Et Dieu s'est posé la question, si ce que je vais créer c'est ça, est-ce que ça vaut le coup de le créer? Et Dieu hésitait. Il a vu ces quatre empires qui allaient régner sur la terre. Il a vu ces quatre bêtes et la quatrième bête qui allait mettre le comble à ce péché. Et il disait, si c'est ça, je ne vais pas construire le monde, je ne vais pas créer le monde. Et alors qu'il était dans cette hésitation, il a vu surgir de ces ténèbres trois figures lumineuses. Et ces figures lumineuses, il les a reconnues comme étant celles des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et de ces figures lumineuses est venu le Messie. Et quand il a vu cette lumière, ces trois petites lumières qui montaient dans ces ténèbres, il s'est écrié qu'il y ait de la lumière, et ça a été le début de la création. Ça veut dire, malgré ce que devait devenir le monde, malgré le mal qu'il devait y avoir dans le monde, à cause du Messie, à cause de la gloire à laquelle cette création était promise, malgré justement sa corruption, ça valait la peine de créer le monde. En lui, par lui et pour lui, dira l'apôtre Paul, toutes choses ont été créées, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans le ciel. Maintenant, le Messie, donc, qui est cette lumière, représente aussi le cinquième royaume. Le cinquième royaume de Daniel. Ce royaume qui est représenté par ce Fils de l'homme que nous avons vu. Cette idée de quatre empires, des quatre empires de Daniel, eh bien, c'était donc quelque chose qui existait au commencement, que Dieu avait prévu de toute éternité. Et c'est au moment où la nuit est la plus noire, au moment où le quatrième empire met le comble à son péché, qu'il conduit justement cette création à l'abîme, à la destruction, à l'enfer, que Dieu va faire surgir la lumière d'un monde nouveau. Il va y avoir une nouvelle création. Et l'œuvre de Dieu au dernier jour sera aussi une nouvelle création. Et les empires vont être éliminés pour faire place à ce royaume de Dieu. Cette situation où la volonté parfaite de Dieu s'accomplira sur la terre exactement comme elle s'accomplit dans le ciel, avec la même perfection et avec la même harmonie. Ces quatre empires, nous les retrouvons aussi, nous disent les sages, dans le chapitre 14 du livre de la Genèse, qui est un chapitre extrêmement particulier, qui est ce récit des combats entre Abraham et quatre rois qui étaient venus du nord. Verset 1er, chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Arioc, roi d'Elassar, de Kedar Laomer, roi d'Elam, et de Tidal, roi de Goyim. Quatre rois. Quatre rois qui sont à la tête de quatre royaumes, de quatre empires. Et il est très intéressant de noter qu'il s'agit là de gens qui correspondent aux quatre empires de Daniel. Amraphel, roi de Shinéar. Shinéar, c'est le nom ancien que l'on donnait à la Babylonie. Par conséquent, Amraphel était roi de Babylone, le premier empire. Arioc, roi d'Elassar. Elassar, c'est la Larsa biblique, qui se trouve située au nord de la Babylonie, dans ce qui devait devenir plus tard l'Empire perse. Par conséquent, ici, nous trouvons le deuxième empire, l'Empire perse. Troisième roi, Kedar Laomer, roi d'Élam. Selon la table des nations qui se trouve au chapitre 10 du livre de la Genèse, c'est d'Élam qu'est sorti Yavan, c'est-à-dire la Grèce. Par conséquent, ici, nous trouvons le troisième empire. Et enfin, Tidal, roi de Goïm, ça veut dire roi des nations. Hier, je vous ai dit que les nations, c'était un mot codé que les Juifs de l'époque de Jésus employaient pour désigner les Romains. Donc nous trouvons ici le quatrième empire, l'Empire romain. Et ces quatre empires vont être vaincus par Abraham, le père des Lumières dont nous avons parlé il y a un instant. Et à la suite de cette victoire contre les rois, Abraham va rencontrer Malchisédek à Shalem, c'est-à-dire à Jérusalem. Malchisédek, dont il est abondamment question dans l'Épître aux Hébreux, et qui est assimilé au Messie, au Fils de Dieu. Shalem étant Jérusalem, la ville de la justice et la ville de la paix, c'est-à-dire la ville du royaume de Dieu. Le personnage de Malchisédek est un mystérieux personnage. Il en est abondamment question, notamment dans les textes de Qumran. Et les textes de Qumran assimilent Malchisédek, d'abord, avec le prêtre du temple céleste, le grand prêtre du plan temple céleste. Nous avons dit hier qu'il y a un temple terrestre, mais il y a un temple céleste. Il y a cette idée dans le judaïsme que, alors que Aaron est le grand prêtre du temple terrestre, Malchisédek est le prêtre du temple céleste. Il est par conséquent un personnage extrêmement élevé. Et ce personnage, non seulement il a cette fonction de prêtre, de grand prêtre, comme c'était le cas d'ailleurs quand Abraham l'a rencontré à Shalem, il était roi et prêtre, mais c'est aussi, disent les textes de Qumran, le personnage dont il est question dans le psaume 110, où il nous est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire qu'il reçoit le pouvoir, la domination, et la domination sur tous ses ennemis, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Ce psaume 110, il est repris par Paul dans la première aux Corinthiens, en disant « Le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. » Et quand Jésus le Messie aura ainsi mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors le royaume de Dieu sera parfait. La mort, c'est la dernière opposition à la volonté parfaite de Dieu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les textes de Qumran nous disent « À qui Dieu dit-il cette parole ?» À Malchisédek. Et Malchisédek, qui reçoit le pouvoir, la domination, il n'est autre que le fils de l'homme de Daniel. Ça veut dire « Malchisédek n'est rien d'autre que le Messie. » Parce que le fils de l'homme, c'est le Messie. Ça veut dire la notion de fils de l'homme, c'est ce que le judaïsme, c'est la notion la plus extraordinaire. C'est l'être le plus élevé qui puisse se concevoir, juste après Dieu. Il y avait, à l'époque de Paul, un juif qui vivait à Alexandrie. C'était un grand penseur, on l'appelle Philon d'Alexandrie, à cause de son origine. Et commentant ce texte, Philon d'Alexandrie a dit quelque chose de très intéressant. les Juifs croient en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Messie. Ça veut dire que cet être qui est assimilé à Malchisédek, au Fils de l'homme, et qui finalement n'est autre que le Messie, est un personnage quasi-divin. Et là, nous retrouvons aussi la théologie biblique, la théologie qui est celle de la Trinité. On ne peut pas dire que les Juifs avaient une foi trinitaire, mais ils s'en sont approchés. Et lorsque Jésus emploie l'expression « Fils de l'homme », c'était à cette notion qu'il faisait allusion. Jésus est le Fils de l'homme parce qu'il est celui qui reçoit tout pouvoir, toute domination et toute puissance. Et lorsqu'il va quitter ses disciples, vous vous en souvenez, un peu avant l'ascension, dans l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir lui est donné parce qu'il est le Fils de l'homme. Ça veut dire, il est ce que le judaïsme a imaginé de plus extraordinaire en ce qui concerne la personne du Messie. Ça veut dire un être qui était préexistant, qui était la lumière qui existait avant le commencement. Il y a dans le Midrash cette idée, il existe 10 choses avant la fondation du monde, et notamment le nom du Messie, ça veut dire la personne du Messie. Le Messie existe avant la fondation du monde. Il est la lumière du monde. Il est celui qui reçoit le pouvoir de Dieu, celui qui va mettre les empires humains en fuite, comme la lumière a mis en fuite les ténèbres. Quand la lumière resplendit dans un endroit, les ténèbres s'enfuient immédiatement. Quand le Messie apparaîtra au dernier jour, les ténèbres s'enfuiront immédiatement. Il reçoit pouvoir, domination. Il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. C'est ça le Fils de l'homme. Il est celui qui s'assied à la droite de Dieu et qui va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus employait l'expression « Fils de l'homme » dans 2 cas. Lorsqu'il parlait de son retour en gloire et de son rôle de juge des derniers jours. Notamment, dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, que nous connaissons bien, la parabole des brebis et des boucs. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur le trône de sa puissance. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, allusion à ce verset du psaume 110. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et la vision de Daniel 8, 7 que nous avons lu tout à l'heure, c'est que ce Fils de l'homme est l'exécuteur des jugements de Dieu. L'idée du jugement, nous la trouvons dans ce texte de Daniel 7. Il reçoit de l'Ancien des Jours le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ainsi, il va pouvoir manifester la justice de Dieu au dernier jour. Un jour, Jésus viendra comme un juge. Dans sa première venue, il dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et dans sa deuxième venue, il sera un juge. Et puis, il y a un deuxième cas où Jésus employait l'expression « Fils de l'homme », c'est quand il parlait de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Paradoxe ? Non, pas tant que ça. Parce que la mort et la résurrection de Jésus étaient un jugement. Quand Jésus, dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, parle de sa mort, il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ». Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voyez-vous, pour Jean, la croix, c'est un trône. C'est un trône à partir duquel Jésus règne. C'est un trône à partir duquel il met tous ses ennemis sous ses pieds. Paul nous dit ça aussi dans l'Épître aux Colossiens. Il a dépouillé les puissances, les dominations et les autorités et il les a traînés dans son char triomphal en triomphant d'elle à la croix. La croix, c'est le début du règne de Jésus. C'est le début de son élévation. C'est paradoxal, parce qu'en même temps c'est une humiliation, mais c'est une élévation. Et Jésus va entrer dans son règne. Il va commencer à exercer son jugement, parce que la croix est un jugement. Celui qui reçoit le message de la croix passe de la mort à la vie. Mais celui qui rejette le message de la croix est déjà jugé. Il prononce sur lui-même son propre jugement. Le jugement du Fils de l'homme est ici annoncé. Dernier point maintenant. Ce Fils de l'homme, il nous est dit dans le texte de Daniel, il vient sur les nuées du ciel. Et là, il y a évidemment une allusion à un événement qui nous est aussi rapporté, notamment dans le premier chapitre du livre des Actes et à la fin de l'évangile de Luc, où est décrite la scène de l'ascension. Jésus, qui a été avec ses disciples après la résurrection pendant 40 jours, qui leur a parlé, entre parenthèses, du royaume de Dieu, et qui donne ses dernières instructions avant son départ. Ces instructions, nous en avons parlé. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus prononce ces paroles, nous dit l'évangéliste Luc, sur le mont des Oliviers. Et après avoir dit ces paroles, ils le virent monter au ciel. Et ils le regardaient, montant de plus en plus, jusqu'au moment où nous est dit « une nuée le couvrit ». Et d'autres textes nous disent « le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu », allusion au psaume 110. Et depuis cet endroit, il règne. Il reçoit la domination, la puissance, tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. La nuée qui le couvre, c'est pas un simple nuage. La nuée, ça représente la présence de Dieu, la Shrina. Ça veut dire cette manifestation qu'il y avait quand cette Shrina conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Quand elle a rempli le tabernacle, quand elle a rempli le temple de Salomon. Ça veut dire, en remontant sur les nuées du ciel, Jésus remonte dans la gloire de Dieu. Maintenant, pourquoi cet événement a lieu sur le mont des Oliviers? Les disciples regardent Jésus et des anges leur apparaissent et leur disent, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu remontant au ciel reviendra de la même manière. Je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. » Et l'Apocalypse reprend ça. « Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra. » Ça veut dire, il reviendra dans la puissance de Dieu, il reviendra dans la présence de Dieu. Il sera une, ce que les théologiens appellent une théophanie, une manifestation de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, quand Dieu vient dans sa gloire, tout ce qui s'oppose à lui, tout ce qui s'impose à sa volonté vole en éclats. Et c'est le jugement de Dieu. Et ce jour-là, il vaut mieux ne pas se trouver sur sa route. Il vient sur les nuées. Il vient où? Pourquoi le mont des Oliviers? Parce que dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, il nous est dit que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est la montagne des choses dernières. Parce que c'est aussi le mont des Oliviers, et l'olivier, nous l'avons vu, c'est l'arbre de lumière, c'est le symbole du Messie, c'est le symbole des choses dernières. Et puis, je reviens au livre de la Genèse. Pourquoi fils de l'homme? Eh bien, parce que fils de l'homme, ça se dit en hébreu aussi fils d'Adam. Et Jésus est aussi dans ce sens-là fils d'Adam. Il y a dans le judaïsme une idée tout à fait surprenante. C'est qu'il y a eu un premier Adam qui a échoué dans le plan de Dieu. Donc Dieu enverra un deuxième Adam, un fils d'Adam, qui accomplira la mission que Adam, le premier Adam, ce qu'on appelle Adam Kadmon, n'a pas pu réaliser. Et ce deuxième Adam, ce sera le Messie. Vous retrouvez cette idée chez Paul dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, où il nous est dit que le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Et nous portons donc l'image du terrestre parce que nous sommes tous fils d'Adam. Mais il y a un deuxième Adam qui est le point de départ d'une nouvelle création, qui est Jésus le Messie, le fils de l'homme. Et de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est pourquoi quand il viendra, nous serons transformés à son image. Et quelle est l'image de la dame céleste? Alors ça, c'est assez extraordinaire. Vous vous souvenez de cet épisode du Jardin d'Éden, où il nous est dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Et quand ils ont péché, ils constatent qu'ils sont nus. Les pères de l'Église, qui étaient des gens qui étaient obsédés par la sexualité, ont pensé que cette idée de la nudité savait avoir avec la sexualité. Quand nous regardons ce que la Bible nous dit de la nudité, nous rendons compte que ça n'a rien à voir. Être nu dans la Bible, c'est être dans un état de dépouillement, de faiblesse totale. Souvent le psalmiste dit « je suis misérable et nu ». Ça veut dire « je suis sans force, sans moyens, sans capacité, sans possibilité ». À l'église de Laodicée, Jésus reprend aussi cette expression « tu dis je suis riche, je me suis enrichi, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu ». Ça veut dire qu'après avoir péché, Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus, ça veut dire qu'ils sont totalement impuissants, qu'ils sont totalement dépourvus de tout moyen. Pourquoi n'en avaient-ils pas conscience avant? Ont dit les sages. Et précisément pour pallier à cette nudité, Dieu leur fait des tuniques de peau. Peau, en hébreu, ça se dit or. Et il y a un autre mot en hébreu qui a la même prononciation. Or, ça veut aussi dire lumière. Et l'idée est la suivante. Avant la chute, Adam et Ève étaient revêtus d'un vêtement de lumière. Ça veut dire de cette gloire de Dieu, de cette puissance de Dieu, de la Shrina, qui était une protection autour d'eux. Ils ne se sentaient menacés par rien, parce qu'ils étaient environnés de la gloire de Dieu, qui était comme un vêtement de peau. Et quand ils ont eu péché, cette gloire de Dieu s'est retirée. Et ils ont pris conscience de leur dépouillement, de leur petitesse, de leur finitude, de leur faiblesse, de leur nudité. Et depuis, l'homme est dans cette situation. Mais les sages ont dit, le Messie qui viendra, le Fils de l'homme qui viendra au dernier jour, lui aussi sera revêtu d'un vêtement de lumière. Et quand il viendra, eh bien, on le verra dans le monde entier parce qu'il sera une lumière éblouissante qui apparaîtra dans le ciel. Jésus dit la même chose. De la même manière que l'éclair vient de l'Orient et va à l'Occident, ainsi sera le jour du Fils de l'homme dans sa gloire. Personne ne pourra avoir le moindre doute sur son identité, parce que l'éclat de son vêtement sera tellement éclatant que tout œil le verra. Cette tradition, nous la retrouvons dans les scènes de la Transfiguration, qui sont une anticipation de la venue de Jésus dans sa gloire. Trois jours avant, Jésus dit à ses disciples, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. » Trois jours après, il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, il monte sur une montagne et il est transfiguré. Son vêtement devient comme de la lumière. Le Messie qui vient, le Fils de l'homme, qui vient dans ce vêtement de lumière, dans ce vêtement de gloire. Il vient sur les nuées du ciel. Et par conséquent, la gloire de Dieu, cette gloire éblouissante, va écarter tous les obstacles, tous les scandales, va détruire ces royaumes humains, ces bêtes, va faire partir ces ténèbres pour établir ce royaume de lumière. Mais comme nous disions, malheur à ceux qui se trouvent en travers de sa route. Autant le Fils de l'homme, dans sa première venue, est venu non pas pour servir, pour être servi, mais pour servir. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Autant quand il viendra dans sa gloire au dernier jour, ce sera justement pour éliminer tout ce qui s'oppose à sa volonté. Un dernier mot. À la fin du livre du récit de la création, dans le chapitre 2, Dieu fait venir tous les animaux vers l'homme pour qu'il les nomme. On a déjà vu cette expression qui signifie « prendre pouvoir sur ». Parce que l'homme, dès sa création, a reçu ce commandement. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les animaux. Adam a pris pouvoir sur les animaux. Le deuxième Adam, le fils d'Adam, le fils de l'homme, quand il viendra, prendra aussi possession sur les animaux, les quatre animaux de Daniel. Vous voyez le parallèle? Et par conséquent, de la même manière que Adam avait pour mission, en prenant pouvoir sur les animaux, d'établir le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre, il avait pour mission d'être le lieutenant de Dieu, celui qui régnait sur la terre au nom de Dieu. Et il a voulu être autonome, être son propre roi. Le Fils de l'homme, le Fils d'Adam, quand il viendra, le Messie, prendra possession de la terre au nom de Dieu. Et il instaura le royaume de Dieu, il régnera comme lieutenant de Dieu, après avoir mis sous ses pieds les quatre animaux, les quatre bêtes de Daniel. Ces quatre bêtes qui étaient au commencement. Je termine en disant, nous sommes à la veille de ces événements. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut retrouver cette vision extraordinaire du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel et qui vient comme le juge des derniers jours. Il sépare. Il sépare les justes d'avec les injustes, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et ce jugement, il faut déjà savoir de quel côté on sera, à droite ou à gauche. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. C'est la même idée que dans la parabole des vierges, qui précède juste cette parabole des brebis et des boucs. Il y a 10 vierges. 10 vierges, 5 sont folles et 5 sont sages. Pourquoi 10 vierges? Parce que nous avons 10 doigts. 5 à la main droite, 5 à la main gauche. 5 sont sages et 5 sont folles. 5, les sages, correspondent aux brebis. Elles seront mises à la droite parce qu'elles sont à la main droite. Et 5 sont folles. Elles seront les boucs qui seront mises à la gauche. Et ce qui fait la différence, c'est justement cette capacité d'avoir de l'huile. Ça veut dire d'être prêt à entrer dans la salle de noces quand le Messie viendra. Par conséquent, c'est maintenant qu'il faut acheter de l'huile. C'est quoi l'huile? La Bible ne le dit pas. Jésus ne le dit pas, mais c'est essentiellement cette attitude qui est décrite aussi dans d'autres paraboles de ce bon serviteur qui attend que son maître revienne et qui ne veut pas être trouvé dans la confusion, qui ne veut pas être trouvé dans une situation qui sera sa honte. Et c'est pourquoi c'est une invitation aussi à examiner nos vies. Un jour, quand le Seigneur viendra, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Tout ce qui dans notre vie est contraire à sa volonté volera en éclats. Alors il vaut mieux ne pas attendre ce jour. Il vaut mieux déjà que tu élimines de ta vie, avant que le Seigneur ne le fasse, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors tu auras de l'huile dans la lampe, cette huile qui était au commencement, cette huile de l'olivier d'Israël, de l'olivier du Messie, cet arbre de lumière, et tu entendras le Messie te dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grande, entre dans la joie de ton maître. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com